Les faux beaux jours. Les faux beaux jours enluent tout le jour, ma pauvre âme. Et les voici, briller au cuivre du couchant. Ferme les yeux, pauvre âme, et rentre sur le champ. Une tentation des pires, fuis l'infâme. Ils enluent tout le jour en longs grêlons de flammes, battant toute vendange aux collines, couchant toute moisson de la vallée, et ravageant le ciel tout bleu, le ciel chanteur qui te réclame. Ô, pâlis, et va-t'en, lente et joignant les mains. Si ces hier allaient manger nos beaux demain, si la vieille folie était encore en route, ces souvenirs, va-t-il falloir les retuer? Un assaut furieux, le suprême sans doute. Ô, va prier contre l'orage, va prier.